ZFTA, écoute bien. Taroua Corbeau, c'est pour mes frères sur terrain. Sixième sens, tous illicites. L-I-M, tous illicites. Dédicace à tous les ghettos, au clan d'eau sur le sol français. Chez nous les ayots, tu sais, a fait trop d'essais. Chaud, trop de mes frères se font péter. Y'a pas d'honnêteté dans mon putain de ghetto. On vit illégalement, salement, tranquillement, rond. C'est fort que les comicos et les stupéfiants. Écoute, poteau, ils nous prennent pour des chiens. ZFTA, Front National, je viens fourrer leur femelle enfoncée. Mec de test, on se définit en tant que tel, Pélex à Kunkrin. Ramène pas ton crâne, c'est le pucelle. Un entourage de racheux pour d'autres dératés, c'est leur problème s'ils se rabaissent. On sait que la vie est dure, tu tenir à Tcharo. Quand y'a pas de Kaya, c'est la même tourneront. Nous demande pas d'être carré. Entouré de corrompus, sont pas corrects, tout le monde peut l'être qu'ils aillent fermer. On est puissant, mais depuis longtemps mis sur la touche. Tu sens l'odeur du sang et de la peur quand les lions sortent de la brousse. J'ai déjà dit qu'on ne vivait pas tous dans le même monde. Un patch géant de l'Africain à la petite blonde. Pris pour des attardés, plus besoin de bavarder. Stop le beat, fais le vide, on vient tout fracasser. La vie qu'on mène nous pousse à passer en force. Depuis tout gosse, on se démerde pour casser les portes. Impulsif, stressé, pressé, la détente en évitant la détention. Petit, fais bien attention, la rue est sous tension. Vu que les temps sont durs et que les tensions durent, j'dis, c'est pour ceux qui tiennent. Le PNF comme un pack d'enquête qui frappe sec quand ça craint. Demande à L.I.M. On a sixième sens pour foutre le daron au moins. J'ai sorti à tous les ghettos, au grand dos sur le sol français. Chez nous les ayots, tu sais, a fait trop d'essais. Chaud, trop de mes frères se font péter. Y'a pas d'honnêteté dans mon putain de ghetto. On vit illégalement, salement, tranquillement, rond. C'est fort que les comicos et les stupéfiants. Écoute, bouton, ils nous prennent pour des chiens. Ils sont tous à bout de nerfs dans les ghettos. La bouffe vient de netto. Bientôt ils seront tous soignés par des vétos. Demande pourquoi les refrains ont le regard vif. Pas de pif, alors certains négros finissent brûlés vifs. On vit tous illégal, mort qui kill, mort. Gros, comme dirait L.I.M, on vit sous calmement. Je kick ça, je laisse des marques avec ma plume. Encourage tous les refrains à graver leur place sur le bitume. Je balance mes confessions à la frange, compte la baiser jusqu'au décès. L'envie de me venger pour nos parents qui ont trimé nos soldats sous terre en mandat. Des pauvres qui galèrent sur le terrain. Je balance mes confessions, y'aura pas de pitié pour les traîtres. J'avertis avant de cribler, trop de bâtards veulent barrer mon chemin. Pique un terrain miné, l'oiseau maudit, zigzag. Comme Zidane, dédicace à tous les ghettos, au grand dos sur le sol français. Chez nous les ayots, tu sais, a fait trop d'essais. Chaud, trop de mes frères se font péter. Y'a pas d'honnêteté dans mon putain de ghetto. On vit illégalement, salement, tranquillement, rond. C'est fort que les comicos et les stupéfiants. Écoute, bouton, ils nous prennent pour des chiens. Comme moteur, gladiateur sur chaque fragment. J'exécute leur prompteur, persécute leur placement. On n'a pas fini de foutre le Delport, de fumer la scène, de contrer la haine de ses bords. Fier et fort d'être des hauts, changerai pas de fusil d'épaule. Rien à part du premier rond, sixième sens, fous la zone. Lève ton verre frère, la rue vient gérer ses affaires. Les vrais se mobilisent, ceux qui se déguisent vivent à l'enfer. Nos roues sont sous, et on opère en soum soum. Ne check pas les terrains spectres ou on te goum goum. Dans nos checks sont les grands, font leur comeback. Dis aux petits d'esquiver la bague et de gratter le bac. On représente pour les frères au chico cassé. On représente pour ceux que la vie n'a pas gratté. Dans nos ghettos, on mène pas la vie de château. Sixième sens est lié, mais c'est pour les héros que nous chantons. Dédicace à tous les ghettos, au grand dos sur le sol français. Chez nous les ayots, tu sais, a fait trop d'essais. Chaud, trop de mes frères se font péter. Y'a pas d'honnêteté dans mon putain de ghetto. On vit illégalement, salement, tranquillement, rond. C'est fort que les comicos et les stupéfiants.